intestin est notre deuxième cerveau. On entend cette assertion partout depuis quelques années, à tel point qu'elle est devenue un topos des unes de magazines. Mais derrière ce constat, il y a un nouveau territoire, un continent qui s'ouvre à la microbiologie, celui du microbiote, cette population de bactéries qui vit en symbiose avec nos organes et qui influe sur notre santé physique et mentale de façon beaucoup plus essentielle que tout ce que l'on imaginait jusqu'alors. Microbiote, ces bactéries qui nous veulent du bien, c'est l'énoncé du problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour explorer ce nouveau continent de la microbiologie, en ce jour qui est par ailleurs le jour anniversaire de l'un des pères de la microbiologie, Anthony van Leeuwenhoek, né un 24 octobre, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir ici en studio à la Maison de la Radio Stanislav Duszko-Erlich. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes microbiologiste génomicien, directeur de recherche à l'INRA. Vous avez notamment contribué au projet Human Microbiome Project, le premier projet de grande ampleur visant à recenser l'intégralité du microbiote humain. On en reparlera tout à l'heure. Nous sommes également en duplex depuis les locaux de France Bleu Nord à Lille avec Mathias Chamaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous suivre également comme chaque jour en direct sur Twitter, sur le compte @laméthodefc. Alors pour commencer, messieurs, nous recevions ici même jeudi dernier Pascale Cossard, elle-même microbiologiste, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences aussi, mais microbiologiste spécialiste du microbiote. Et elle nous disait à ce micro que la connaissance du microbiote n'en était qu'au stade exploratoire, pour l'instant, à l'image d'un Christophe Colomb qui vient de découvrir l'Amérique. Alors êtes-vous d'accord l'un et l'autre avec cette affirmation? Vous sentez-vous les Christophe Colomb, sans aucun jeu de mots, puisqu'on va beaucoup parler d'intestin, vous sentez-vous les Christophe Colomb de la microbiologie, Stanislav Duszko-Erlich? Eh bien, vous savez, les microbes qui vivent dans notre corps, on les connaît depuis très longtemps, Metchnikov, le grand prix Nobel de microbiologie, pensait que ces microbes, en effet, nous veulent du bien. Et si jamais vous mangez autant de yaourts que les Bulgares, vous allez tous vivre 100 ans. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de tout nouveau. Cependant, nous, on regarde le microbiote intestinal comme un organe, organe négligé. Vous avez utilisé beaucoup d'analogies géographiques. Mais pensez donc, notre corps, notre organisme est fait d'un tas d'organes. Et l'un de ceux-là est négligé, l'organe microbien. Alors on va parler justement de l'analogie que vous faites, Stanislav Duszko-Erlich, entre le microbiote et un organe. Mais je vais poser tout de même la même question à Mathias Chamaillard. Est-ce que vous avez l'impression, effectivement, comme le disait Pascale Cossard ici même, qu'on en est encore qu'au début de l'exploration de ce continent microbiologique, si on peut l'appeler ainsi? Il faut bien se rendre compte que 90% de nos cellules sont d'origine microbienne. Donc à partir de là, tout l'enjeu est de comprendre en quoi elles nous veulent du bien, ces différents micro-organismes, qui sont des bactéries, des virus, des levures. Et à partir de là, c'est vrai que on pouvait avoir des présomptions, comme l'a rappelé Duszko, dès la fin en fait du 19e, qu'il y avait un rôle clé de certaines bactéries, mais tout l'enjeu est de comprendre comment elles peuvent nous valoir du bien et en fait comment manipuler ce microbiote qui peut être déréglé dans certaines conditions pathologiques à l'origine de cancers ou de maladies inflammatoires chroniques. Alors on parlera de ces microbiotes déréglés tout à l'heure. Peut-être qu'on va recommencer par le début. Qu'est-ce que c'est précisément que ce microbiote, que cette population bactérienne, comment elle est dénombrée? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, Mathias Chamaillard? On en sait que sont des milliers d'espèces bactériennes, si on regarde déjà au niveau des bactéries. Après, on commence à anticiper l'infini du possible avec notre compréhension des diversités au niveau des levures et également au niveau des virus, des bactériophages, les virus qui, en fait, sont capables de coloniser les bactéries. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a des milliers d'espèces pour lesquelles certaines sont cultivables, mais une très faible proportion d'entre elles sont cultivables, et tout l'enjeu finalement est de comprendre, d'arriver à cultiver celles qui ne le sont pas pour mieux comprendre leurs principes actifs et comment en fait certaines d'entre eux, par des toxines par exemple, pourraient être à l'origine de pathologies, mais d'un autre côté, certaines d'entre eux, par leurs propriétés anti-inflammatoires, pourraient nous valoir du bien. Stanislav Duszko-Erlich, on dit, le chiffre qui revient tout le temps quand on parle du microbiote, c'est qu'il y a plus de bactéries dans notre corps que notre corps compte de cellules. Est-ce qu'on peut le dénombrer aujourd'hui, ce microbiote? Chaque fois qu'on parle des chiffres très grands, vous savez, il y a une certaine imprécision. Donc, une estimation, comme disait Mathias tout à l'heure, 10 fois plus des cellules bactériennes que des cellules de notre corps. C'est une estimation. Récemment, il y avait un changement de cette vision. On disait, non, mais il n'y en a que 2 fois plus. 10 fois plus, 2 fois plus, ou le même nombre, enfin tout ça. Ou le même nombre. Tout ça varie, effectivement. D'autre part, c'est intéressant peut-être de se rappeler que 80% des cellules de notre corps, 80%, la grande majorité, sont des cellules qui transportent l'oxygène, les érythrocytes, les globules rouges, qui ne sont pas vivantes. Alors bon, vous voyez, il y a une certaine imprécision. Mais de point de vue biologique, ça n'a pas vraiment une très très grande importance. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons ensemble avec ces microbes qui nous portent beaucoup, beaucoup de bien. Et parfois, cette communauté complexe se dérègle. Et alors là, il peut y avoir des difficultés. Mais il est peut-être intéressant aussi de se rappeler que notre capacité de caractériser cet organe négligé date d'il y a très peu d'années. Et dans ce sens, je suis absolument d'accord avec Pascal Cossard quand elle dit mais ce n'est quand même qu'un début. Déjà, on a vu de belles choses. On a vu des choses fantastiques. C'est un beau continent que vous êtes en train de découvrir. C'est un beau continent. Malgré tous les jeux de mots qu'on pourrait y faire, mais quand même, une importance considérable pour comprendre d'une part comment nous vivons, notre biologie, et d'autre part, comment mieux préserver la santé, comment mieux guérir la maladie. Voilà les ouvertures qu'on espère. Comment se fait-il, Mathias Chamaillard, qu'on découvre l'importance cruciale, parce qu'on va le voir dans l'heure qui vient, le microbiote influe dès le début de la vie de manière cruciale sur la biologie humaine. Comment est-ce que vous expliquez qu'on découvre cette importance si tardivement? Globalement, ces découvertes sont pionnières dans le sens où elles ont été le fruit de progrès technologiques, notamment au niveau du séquençage, et ça, de Duszko-Erlich et ses collaborateurs, avec leurs collègues américains, ont largement contribué à cet effort de séquençage de notre flore intestinale. On en parlait grâce au Human Microbiome Project que j'évoquais tout à l'heure. Exactement. Et le programme Métaïte européen. C'est vraiment cet effort qui a permis de bâtir en fait une sorte d'architecture de notre microbiote intestinal en définissant les différentes espèces qui pourraient le composer. Mais maintenant, ça va bien au-delà. C'est d'arriver à avoir un catalogue des différents gènes qui composent ce microbiote. Ces gènes viennent de différentes bactéries, de différents micro-organismes, levures, autres. Et d'où l'enjeu maintenant est de comprendre la fonction de ces gènes. Donc à partir de là, c'est vraiment grâce à cet effort en fait de progrès technologique et de pousser en fait jusqu'au le séquençage jusqu'au bout de ses capacités, qu'on arrive désormais à ne serait-ce qu'entrevoir la fonction de certains de ces gènes. Et donc en fait, c'est là où Pascal Cossard a tout à fait raison. On est au tout début en fait d'une grande épopée de la compréhension des différentes fonctions du microbiote. Alors pour comprendre pourquoi justement cette étude du microbiote est intimement liée, comme vous venez de le dire, Mathias Chamaillard, aux nouvelles technologies dans le secteur biomédical et notamment à la métagénomique, eh bien, nous allons nous retourner vers Antoine Beauchamp qui est ici à Paris en studio. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Puisque donc dans votre reportage du jour, vous allez nous parler de microbiote bien sûr, mais aussi de big data. Et oui, parce que les deux sont liés et c'est Karine Clément qui me l'a expliqué. Karine Clément est directrice de l'Institut de cardiométabolisme et nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et cet institut a pour but de développer un suivi plus personnalisé de patients qui ont des maladies du cœur et du métabolisme, le tout en travaillant sur leur microbiote. Quand on parle du microbiote, on évoque quelques 100 000 milliards de bactéries. Il faut donc faire appel à des systèmes de calcul et de traitement de données de pointe pour percer les mystères des interactions de ces 100 000 milliards de bactéries. Et c'est une grande partie du travail de l'Institut ICANN que dirige Karine Clément, qui se divise en deux, une partie laboratoire clinique et vous allez voir une partie informatique. On se passionne sur ce monde bactérien depuis 10-15 ans. Une des raisons, c'est qu'on a acquis des outils pour les étudier. Alors effectivement, les microbiologistes qui nous regardent, nous les médecins, peuvent se dire « mais les bactéries, on travaille depuis longtemps sur ce monde bactérien, sur leurs échanges, voilà ». Mais dans l'intestin, une difficulté, c'est que comme elles vivent sans oxygène, il y a des difficultés techniques pour les analyser, regarder leur rôle. On dit qu'elles sont anaérobies. Et ce qui a changé il y a une quinzaine d'années, la France a été pionnière dans ce domaine, a été d'utiliser des techniques de séquençage direct qu'on utilisait pour le séquençage de notre génome, mais qui ont été appliquées au séquençage du génome des bactéries pour pouvoir accéder à ce monde compliqué. Grâce à ce développement technologique, on arrive aujourd'hui à regarder ce monde bactérien, du microbiote, ce qu'il est, mais c'est, on n'est qu'au début. On commence à voir que peut-être il y a des espèces dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Vous dites qu'on arrive à regarder ce monde bactérien. Je suis assez curieux de savoir à quoi ça peut ressembler 100 000 milliards de bactéries. Voilà, à quoi ça ressemble sous le microscope, le microbiote? Alors, en réalité, ce n'est pas sous le microscope. C'est sur un écran d'ordinateur. C'est-à-dire qu'à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce qu'on a pu voir dans le séquençage du génome humain. C'est comme un livre, c'est la séquence des bases, sauf que ce n'est pas notre génome, c'est le génome des bactéries. Et donc, on a accès à de l'information, on rentre dans un monde qui est non seulement celui du monde inconnu des bactéries, mais aussi du monde de ce qu'on appelle dans le langage courant les big data. C'est-à-dire que quand on dit 100 000 milliards de bactéries, c'est aussi 10 millions de gènes. Donc en réalité, c'est le génome. C'est le génome bactérien qu'on essaie d'assembler. C'est une sorte de microscope sur un écran d'ordinateur. Voilà, alors en fait, on peut suivre le parcours d'un patient. Il va remplir, il va aller dans cette, on va aller dans la salle d'attente en fait. Voilà, il va venir là et en fait il va remplir toute une série de questionnaires. On va lui demander son mode de vie, ce qu'il mange, est-ce qu'il fait de l'activité physique, où il vit. Par exemple, si vous habitez près d'une forêt ou en pleine ville, vous pourrez avoir des changements dans le microbiote. Donc il va remplir plein de questionnaires et donc ça va aller dans la base de données. Il va avoir un prélèvement et puis il va aussi rencontrer une diététicienne, je pense qu'elle est avec un patient. Donc il pourra avoir un prélèvement de sel, des prélèvements sanguins. Voilà, donc il va avoir toutes ses explorations. On va même lui regarder son cœur, par exemple. Et en fait, son prélèvement, il va aller dans les laboratoires. Donc ça peut être aussi bien, comme on l'a dit, des selles, des urines, du sang, etc. Donc ça va être regarder, techniquer dans les laboratoires. Voilà. Donc par exemple, le sang, on va regarder ce que produisent les bactéries, donc les métabolites bactériens. Donc ça se fait par ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. On regarde en fait les molécules qui sont produites, mais vraiment produites par les bactéries. Donc en fait, c'est fait sur ces... ces gros appareils-là. Et donc là, ce que vous voyez là, ces courbes, sont en réalité des pics qui sont liés à des métabolites, donc à des produits en fait bactériens. Et ce qu'on va faire ensuite dans l'analyse, c'est de regarder les relations entre ce métabolite bactérien et les risques du patient, ses caractéristiques cliniques. C'est du microscope, mais informatisé, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail d'analyse. Ça produit des milliers de données, des millions de données parfois, et donc tout l'enjeu, c'est de traiter cette information. Et donc ce qu'on fait ici à l'ICANN, c'est qu'on traite ces informations, à la fois qui viennent de l'environnement, de la biologie du patient, mais aussi ce qu'on appelle le phénotypage moléculaire. C'est vraiment tous ces pics, c'est aussi ces changements de séquence qu'on essaie de mettre ensemble, d'intégrer. Et pour faire ça, en fait, c'est pas juste de l'analyse, c'est qu'il faut de la recherche aussi pour intégrer les données. Donc les données sont produites dans ce bâtiment, qui est en fait au pied du lit des malades, et ensuite vont dans cette maison, qui est la maison ICANN, donc Institut Cardio-Métabolisme et Nutrition, et donc vont être traitées par des chercheurs. Il y a des gens qui vont travailler sur les bases de données, mais d'autres qui vont travailler sur les fonctions des gènes bactériens, d'autres qui vont travailler sur comment on intègre ces données multiniveaux. C'est-à-dire des données qui viennent de l'environnement dont on a parlé, des données de la biologie, des données du microbiote. Et ça, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il y a des vrais enjeux de traitement de l'information et d'intégration. Et c'est donc dans ce bâtiment, on a plusieurs spécialistes en fait. Donc ici, on est vraiment dans le cœur du traitement de toutes les données que vous relevez au laboratoire. Ouais. Et après, c'est un aller-retour, en fait. C'est un aller-retour. Donc en fait, ce qui est la science d'aujourd'hui, c'est mettre ensemble des médecins, des physiciens, des matheux, des gens qui viennent de la microbiologie et de l'analyse des données, pour essayer de mettre ensemble ces données. Parce qu'une seule personne ne peut pas le faire toute seule. Donc c'est un premier pas vers ce qu'on appelle la médecine du futur, qui est qu'on produit aujourd'hui plus de données que ce qu'on est capable d'analyser. Et donc ça, c'est une chose, il faut pouvoir les traiter. Et l'autre point, c'est pouvoir convaincre demain que ces données vont être utiles aux médecins et aux patients. Et à ce duo qui restera un duo jusqu'à la nuit des temps, parce que simplement, la nature de la relation va changer un petit peu parce qu'il y a ces nouvelles données. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp. On entend bien à quel point l'analyse et la compréhension du microbiote est aujourd'hui liée donc aux nouvelles technologies et à la capacité de calcul, et qu'on a mis le pied dans ce que vous venez d'entendre comme étant décrit comme la médecine du futur. Une réaction, Stanislav Dushko-Erlich, à ce reportage? Oui, en effet, un défi pour nous, c'est d'abord de caractériser avec une précision jusqu'alors absolument impossible le microbiote. De cartographier, hein, pour de rester sur le même champ lexical. De cartographier, que la carte de votre microbiote, Nicolas, et du mien. C'est pas le même. C'est pas tout à fait le même. Que le microbiote des gens en bonne santé et des patients. La première chose, bien caractérisé. L'organe était resté négligé parce que le médecin ne savait pas le palper, ne savait pas le caractériser, il n'y avait pas un scanner, ce microscope moléculaire surpuissant que nous avons en effet développé dans les derniers 6-7 ans, notamment à travers le projet Metait européen. Bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas juste de connaître à quoi ça ressemble. C'est intéressant. Mais au-delà de ça, quels sont les liens de ces microbiotes et la santé? Et donc, c'est une corrélation des paramètres de caractérisation clinique. Vous êtes en bonne santé ou pas tout à fait? Quel est votre âge? Que mangez-vous? Que faites-vous dans la vie? On peut chercher l'impact de ces paramètres sur le microbiote et vice-versa. C'est ça l'enjeu. Corréler la composition des microbiotes et les paramètres de la santé. Sur quoi se greffe, bien entendu, d'autres façons de caractériser notre organisme, non seulement par les tubes qui vous auscultent et qui vous prennent les pouls. Eh bien non, il y a aussi des méthodes de transcriptomes, de protéomes, de métabolomes, différentes façons moléculaires de caractériser la santé et de trouver quel est l'impact des microbiotes sur ce que nous sommes, notre santé. Je peux aller plus loin, mais franchement, Je commence à être long, dites-moi. non, mais c'est, je vous écoute avec attention. Ce que je voudrais faire réagir également Mathias Chamaillard à ce qu'on vient d'entendre dans le reportage, notamment au fait que grâce à de nouveaux outils, grâce à la métagénomique, on commence vraiment à avoir un aperçu, alors pas une photographie, mais un aperçu de l'ensemble de ces gènes qui vivent à l'intérieur de nous et qui interagissent avec notre organisme. Il y a un vrai progrès technologique là, Mathias Chamaillard. On a en effet un aperçu de l'impact de facteurs qui pourraient environnementaux, hein, qui pouvaient en fait être évidents au premier abord, comme la nutrition sur la composition même de notre microbiote, ou des décalages horaires qui peuvent être associés à des troubles digestifs et effectivement des perturbations au niveau de la flore. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait soupçonner effectivement, mais désormais on arrive à cartographier les conséquences sur la composition du microbiote suite à des perturbations du régime alimentaire. Mais ce qu'on ne pouvait pas éventuellement soupçonner, c'est que notre propre génétique, notre propre patrimoine génétique peut influencer également la composition même de notre flore intestinale. Et ça, ça ouvre des perspectives aussi en termes de manipulation de notre microbiote. Il y a à la fois ce qu'on peut envisager en premier abord, l'utilisation de certains probiotiques ou prébiotiques, mais on arrive désormais à de nouvelles approches qu'on appelle, qualifie de post-biotique, qui est l'utilisation des métabolites, hein, des principes actifs du microbiote, de bactéries du microbiote, comme un élément pour corriger finalement une fonction qui pourrait dérégler de ce microbiote chez des individus qui ont un patrimoine génétique qui n'est pas en faveur d'une diversité relativement riche de ce microbiote. Donc ça, c'est des aspects complètement pionniers. On est au tout début. On reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission vraiment des applications thérapeutiques sur lesquelles vous travaillez, notamment vous, Mathias Chamaillard. J'aimerais qu'on continue à décrire un peu ce microbiote. Alors, on parle, il faut préciser aussi qu'on parle de microbiote et que là, on parle principalement du microbiote intestinal, mais ce n'est pas le seul microbiote du corps humain, Stanislav Duchko-Herrlich. En effet, le microbiote intestinal a attiré énormément d'attention au début, parce qu'il est le plus complexe et le plus abondant. Donc, on se disait, un organe, il faut s'y consacrer. Mais bien entendu, d'autres niches de notre corps sont également, offrent une possibilité aux microbes de s'y installer, de se développer. Par exemple, la bouche. La bouche. Alors, comment ne pas s'intéresser à la bouche quand on est en France, n'est-ce pas? Il y a une complexité microbienne orale, qui est presque aussi grande que celle intestinale. Elle a été assez négligée jusqu'à maintenant. Je dirais un tout petit peu faute à ce que nous avons fait, puisqu'on s'est focalisé sur une autre niche. Mais ça commence à venir. Ça commence à venir parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a des communications entre les microbiotes orales, justement, et intestinales. Donc, très intéressant. Parfois, notre intestin se trouve envahi par les bactéries de la bouche. Et c'est pas très bien. C'est pas très bien. Et il y a d'autres microbiotes, on peut parler celui de l'épiderme, de la peau. Absolument. Par exemple, la peau. Des milliards de bactéries aussi qui nous recouvrent. Encore une fois, est assez complexe et difficile à étudier. Parce que pensez-vous, en été, il fait un peu plus chaud, en hiver, il fait un peu plus froid, vous prenez une douche, vous mettez votre déodorant, vous vous lavez les mains, eh bien, ça change. Et c'est un peu plus difficile. Il est beaucoup plus évolutif. En revanche, ce n'est pas que les deux autres niches dont on a parlé, donc intestinale et orale, c'est parfaitement stable. Il y a des fluctuations, mais en gros, si vous regardez les microbiotes d'un individu 10 ans de distance, eh bien, vous reconnaissez très bien que c'est le microbiote de cet individu. D'accord. Parce que Pascal Cossard disait également que le microbiote est un peu comme une carte d'identité, finalement, que le microbiote est absolument personnel, un peu comme les empreintes digitales. Vous confirmez ça? Écoutez, absolument. Juste pour mettre les choses un peu en perspective, on parlait de 1000 milliards de bactéries, il y en a plus que Les gènes. Vous savez combien il y a de gènes de notre génome? Je vais vous le dire. 23 000. 23 000 pour faire un bonhomme. Vous savez combien de gènes bactériens on a repéré comme faisant partie de ces microbiomes intestinaux? 10 millions. 10 millions. C'est pas que des gènes différents. Nous sommes assez différents tous. Notre génome, Nicolas, le vôtre et le mien, diffèrent de 0,1%. 1 sur 1000 de différence. Mais notre microbiome intestinal diffère de 50%. C'est beaucoup, beaucoup plus différent. Vous portez quelque chose comme 600 000 gènes, vous-même, moi aussi, à peu près, si on est en bonne santé. Si on perd cette richesse, eh bien, c'est pas très bon non plus. C'est une prédisposition pour développer les maladies chroniques. Et c'est pour ça donc qu'on appelle aujourd'hui ce microbiome, hein, pour parler du génome du microbiote, le second génome humain, Mathias Chamaillard. C'est notre second génome. C'est effectivement notre second génome qui a de nombreuses fonctions. Des fonctions dans notre nutrition, on l'a mentionné par rapport au microbiote cutané, des fonctions de barrière également. Et derrière, on va avoir aussi d'autres types de microbiote au niveau pulmonaire qui va en fait exercer également cette fonction de barrière contre l'intrusion de pathogènes. Et dans certains cas, il peut y avoir un excès finalement de, je vais pas qualifier de microbiote, mais de biofilms en fait bactériens. Dans le cas par exemple de la mucoviscidose, et des bactéries vont commencer à proliférer dans des contextes pathologiques alors qu'elles ne devraient pas. Mais c'est souvent causé au départ par une perte de fonction du microbiote dans l'organe qui est ciblé en fait. Les microbiotes se développent toujours sur des surfaces barrières entre un intérieur et un extérieur. Hein. Mathias Chamaillard, oui. Exactement. Alors, parlons-en un peu de... Alors, parlons du microbiote intestinal, puisque c'est celui sur lequel vous travaillez. C'est celui, pour le moment, qu'on étudie le plus. Hein, 9800 études jusqu'à présent, c'est beaucoup d'études. De quoi il est constitué exactement? Parce qu'on parle de bactéries, mais combien d'espèces de bactéries différentes? Il n'y a pas que des bactéries. Qu'est-ce qu'il y a dans ce microbiote, Stanislav Duszko-Erlich? Eh bien, vous avez absolument raison. 99% des gènes qu'on détecte sont des gènes bactériens. Donc, c'est une très, très grande majorité. Mais on détecte aussi des levures, donc des petits eucaryotes. On détecte des parasites également. Et tenez-vous bien, notre méthode est si puissante qu'on peut détecter aussi les gènes des plantes. Il y a des gens qui digèrent un peu moins bien que les autres. Eh bien, nous, quand on analyse ça, on repère très, très bien tous ces gènes. Mais en très, très grande majorité, ce sont des gènes bactériens. Après, il y a des virus aussi. Surtout les virus qui attaquent les bactéries ou qui vivent en plus ou moins bonne convivance avec les bactéries. Et un tas d'autres éléments, vous savez, on a parlé de CRISPR, c'est CRISPR-Cas9, le fameux ciseau moléculaire dont on a beaucoup parlé ici. On a beaucoup parlé de CRISPR et je peux vous dire que mon laboratoire était aussi, dans le temps très précoce, à l'origine de ce concept que CRISPR protège contre les bactéries, contre l'attaque des bactériophages. Eh bien, nous avons trouvé le même type de protection quand on a caractérisé le microbiome intestinal humain. Une bactérie qui porte un bon CRISPR, eh bien, résiste au phage qui pourrait l'attaquer autrement. Et Mathias Chamaillard, donc on connaît bien ces bactéries, on sait quelles sont les espèces, on les a répertoriées, classifiées, puisqu'on parlait de cartographie tout à l'heure. Ben non, c'est justement tout l'enjeu. Hein. On connaît pas assez en fait ces bactéries, celles qui sont clairement cultivables, on commence vraiment à percevoir leur fonction, hein. En particulier celles qui ont été les premières étudiées sont forcément en relation avec des pathologies humaines, hein, des agents infectieux qu'on a réussi à cultiver, qu'on commence à comprendre leur stratégie de colonisation ou d'invasion, mais tout l'enjeu désormais est de comprendre les fonctions des bactéries qu'on arrive malheureusement pas encore à cultiver. Donc là, l'astuce est d'avoir recours au séquençage. Le séquençage nous donne une information Et cette information nous donne une hypothèse sur la fonction des gènes qui sont portés par ces bactéries, par analogie avec des fonctions qui seraient connues ou par analogie avec même entre les différentes espèces, hein, des différentes fonctions de protéines qui pourraient être qui auraient pu être analysées, ou finalement on va arriver à de nouvelles hypothèses de fonctions. Donc c'est tout l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ces micro-organismes qu'on n'arrive pas à cultiver pour l'instant. Et ces micro-organismes, ceux qu'on a identifiés en tout cas, on sait d'où ils viennent, on les a retrouvés ailleurs, dans la nature, chez des animaux, sur des plantes. Stanislav Duszko-Erlich. Eh bien, certains, oui. En effet, on peut considérer les microbes que nous repérons dans notre tractus digestif, on peut les partager en deux classes. Il y en a des résidents qui habitent avec nous, qui sont contents, c'est leur mission dans la vie, habiter avec tout le monde, mais avec vous, avec moi, avec Antoine Beauchamp, avec tout le monde. Un peu différent, mais avec tout le monde. D'accord, c'est les mêmes. Après, il y a des bactéries qu'on appelle transitoires. Vous mangez le yaourt, bien. Eh bien, les bactéries de yaourt ne vont faire que transiter. On peut les détecter. Si on examine votre microbiote, on le fait en prenant un tout petit morceau de sel que tout le monde émet tous les jours, donc très naturel, pas invasif. Si on analysait un échantillon de vos selles le lendemain de votre consommation de yaourt, je saurais que vous avez, Nicolas, mangé le yaourt et je pourrais même dire... Quel yaourt ? Quel yaourt ? Donc, c'est très, très précis. Mais voilà, il y a donc différents types d'organismes. Et les différences aussi, donc, individuelles entre vous et moi, même si nous portons la même espèce, eh bien, on appelle ça les souches de bactéries, peuvent être assez différentes. Et en effet, jusqu'à maintenant, notre analyse, notre contraste entre les gens en bonne santé et les gens un peu malades, c'est basé surtout, c'est porté surtout au niveau d'espèces. Mais maintenant, on commence à avoir la capacité d'analyser les souches qui sont parfois différentes, qui peuvent avoir des fonctions pas très bonnes ou bonnes pour les gens. Donc, en effet, quelle variété. Et cependant, c'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. Vous partagez, vous, Nicolas, 50% de vos gènes avec 50% de la population mondiale. Donc, il y en a beaucoup. Mais il y en a d'autres qui vous sont beaucoup plus personnels. Je ne dirais pas qu'il y a des gènes qui vous appartiennent, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais quand même, voilà, donc cette notion de communauté, mais aussi individualité. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment une chose assez nouvelle qu'on n'a jamais su faire encore, c'est de définir, mais quelles sont les espèces microbiennes qui aiment bien vivre ensemble, parce que toute bactérie ne se plaît pas avec toutes les autres. La méthode scientifique, Nicolas On Martin. On peut en avoir dans la tête, et même aussi sur tout le reste, dans sa télé, dans sa radio, dans son jardin et son auto. Mais ceux-là ne sont pas dangereux, malgré qu'ils soient les plus nombreux. Il suffit d'un insecticide ou d'un truc en celluloïde pour qu'il s'en aille d'où il réside ou que plus jamais il grésille. Ainsi font les parasites, néophytes ou métallistes qui autour de vous gravitent. Sans arrêt, ils prévenissent se mettre sur votre orbite pour mieux vous lécher la frite. Mais ce dont je veux parler, mieux que moi vous les connaissez. Ils attendent que vous partiez pour vous servir de portier. Ils attendent que vous rentriez pour vous essuyer les pieds. Ils attendent que vous vous couchiez pour pouvoir vous vampiriser. Ils attendent que vous vous leviez pour vous souhaiter une bonne journée. Ainsi font les parasites, pétolis qui autour de vous gravite. Sans arrêt, il prémédite de se mettre sur votre orbite pour mieux vous lécher la frite. Ils attendent que vous parliez pour aussitôt vous flatter. Ils attendent que vous y alliez pour vous apporter le papier. Ils attendent que vous tombiez pour pouvoir vous ramasser. Ils attendent que vous pleuriez pour pouvoir vous consoler. Ils attendent que vous aimiez pour vous le déconseiller. Ainsi sont les Oui, il est 16h36, on aurait eu tort de ne pas aller jusqu'au bout de cette chanson. Les parasites de Jacques Dutronc sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque nous parlons de l'inverse du parasitisme, nous parlons de symbiose avec le microbiote, avec nos microbiotes, puisqu'il y en a plusieurs. Nous sommes avec Stanislav Duchko-Erlich, microbiologiste, génomicien, directeur de recherche à l'INRA et en duplex depuis Lille et les locaux de France Bleu Nord, avec Mathias Chamaillard qui est lui directeur de recherche à l'INSERM au centre d'infection et d'immunité de Lille. Avant d'examiner les possibilités thérapeutiques qui sont offertes par l'exploration et la découverte progressive, la cartographie de ce microbiote, j'aimerais qu'on parle un peu de son origine, puisqu'on imagine bien qu'on ne naît pas avec ce microbiote. Alors, d'où il vient, comment est-ce qu'il se constitue et comment il influe sur le développement depuis le stade fœtal jusqu'à l'âge adulte, Stanislav Duchko-Erlich? Eh bien, nous sommes réputés être né stérile, pas de bactéries. Donc, encore une fois, il y a des pinailleurs qui disent « Non, non, il y en a un tout petit peu, on les a trouvés dans le liquide amniotique, donc avant la naissance. » Mais, en gros, un bébé n'a pas de microbiote intestinal. Au bout de quelques jours, la concentration, la densité microbienne est pareille que chez un adulte. D'où ça vient? D'où ça vient? Eh bien, la naissance, il y a une flore vaginale qui est probablement la première qui est inoculée chez les bébés. Et ce que les obstétriciens savent, c'est que le visage des bébés est tourné plutôt vers l'anus de la maman. Donc, ça pourrait aussi être la flore périanale. Le premier inoculum, c'est maman. C'est maman. C'est maman. Donc, elle donne ce qui est dû à son bébé, son microbiote. Maintenant, là, bien entendu, quid des césariens? Alors, les césariens, il y a des césariens qui sont absolument nécessaires, indispensables, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des césariens plutôt de confort, et pour les médecins, et pour maman, parce que, en effet, c'est programmé, ça va très vite, il y a pas de problème. Mais quand même, le microbiote, quand on l'a examiné très précocement, ressemble un peu plus au microbiote de la peau que celui des vagins, comme ce qu'on trouve chez les bébés nés par la voie basse. Donc, voilà un premier inoculum. Est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui encore, j'ai, au moment où je vous parle, le microbiote de ma maman à qui je dis bonjour, qui m'écoute et qui est contente de savoir qu'elle m'a légué, entre autres, multiples choses, son microbiote? Un bon fiston. Oui, nous ne savons vraiment pas si ces premières espèces fondatrices se retrouvent après. Ce que nous savons pertinemment, c'est que le microbiote chez les bébés est assez différent de celui chez l'adulte. Notre catalogue de gènes auquel on faisait référence, 10 millions de gènes, constituait, en regardant 1267 adultes, si vous voulez être très précis, eh bien, quand on a essayé à voir, est-ce qu'il recouvre bien aussi le microbiote des bébés, eh bien, non. Donc, on l'a enrichi, on a créé un catalogue spécial bébé, et quand on l'utilise, on détecte à peu près 3 fois plus de gènes de bébés qu'on ne pouvait pas repérer auparavant. Bien. Alors un bébé, 150 000 gènes, vous et moi, 300, 400 000 gènes, 500 000, beaucoup plus. Avec l'âge, vers 2-3 ans, le microbiote des bébés qui est assez chaotique, qui les différents bébés sont assez différents. Qui évolue beaucoup aussi. Ça évolue beaucoup. Converge vers le microbiote plutôt de type adulte, devient beaucoup plus riche et au bout d'un certain temps, pas reconnaissable comme un microbiote de bébé. Donc cette période de 2-3 ans où les choses changent, les choses se passent, eh bien, certainement, en partie, en réponse à l'alimentation. On ne mange pas tout à fait la même chose que les bébés. Vous en conviendrez. J'ai arrêté depuis longtemps. Voilà, moi aussi. Moi aussi. Et d'autre part, je pense qu'il y a des choses totalement inconnues et incomprises encore, qui est un dialogue entre notre système immunitaire qui doit apprendre les soi et les non-soi et doit accepter ces microbes comme soi. Et ce qui est très intéressant, je pense, c'est la maturation des systèmes immunitaires et maturation des microbiotes semble se passer d'une façon temporelle à peu près en même temps. Que d'excitation pour le futur. Mais c'est que comme les grands explorateurs, hein, on revient sur cette comparaison avec Christophe Colomb, et on, sans refaire le jeu de mots de tout à l'heure. Je me retourne vers Mathias Chamaillard. Quand on sait, on n'a pas encore évoqué, parce qu'on, je disais au tout début de cette émission, en présentation de cette émission, qu'on dit, on parle des intestins aujourd'hui, de ce topos qui dit que l'intestin est notre deuxième cerveau. Il y a beaucoup de neurones dans les intestins, 200 millions si je ne me trompe pas. Quand on voit l'importance du développement du microbiome chez le nouveau-né, on se dit qu'il a aussi une importance dans la formation, la maturation du système nerveux central, du cerveau chez les nourrissons. Mathias Chamaillard, on le sait, on la connaît aujourd'hui, cette interaction entre le microbiote, la formation du microbiote et le développement cérébral chez le nouveau-né. Donc, il y a plusieurs questions derrière tout ça. Et je ne vous ai pas encore posé les questions sur l'immunité. Ouais, parce que... ouais. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est une séquence d'événements. Donc, on est effectivement, certains peuvent le critiquer ou pas, stérile, mais on vit pas dans un monde stérile. Donc, à partir de là, on va être confronté progressivement, ça peut aller très très vite chez le nourrisson, à différents micro-organismes, et c'est eux les Christophe Colomb. Parce que c'est eux qui vont en fait coloniser une terre inconnue, quelque part qui est pas actuellement colonisée. Et après, ils vont rentrer en compétition les uns avec les autres, et il va y avoir un avantage mutualiste, quelque part une symbiose qui va se créer progressivement. Et quand on parle de richesse du microbiote, c'est effectivement la complexité, le nombre de gènes qui peuvent s'accumuler du fait du nombre de bactéries qui peuvent coloniser et perdurer au cours du temps. Et c'est cette richesse progressivement qui est utile quelque part à notre système immunitaire de se mettre en garde de micro-organismes qui auraient, eux, des potentiels pathologies infectieux. Mmh. Et par rapport à notre cerveau, on en est au tout début. Hein. On anticipe effectivement qu'il y a un impact sur des fonctions cognitives, des fonctions du cerveau, d'apprentissage, mais la mécanique derrière, entre la colonisation de la bactérie et éventuellement une pathologie neurodégénérative ou une pathologie en fait liée à un défaut d'apprentissage, n'est qu'à son balbutiement actuellement. Parce qu'effectivement, parmi les pistes, on se rend compte qu'il y aurait, et c'est tout ça est très très récent, des liens possibles entre un dysfonctionnement du microbiote et des maladies neurodégénératives. Vous pouvez nous en dire peut-être un mot, Stanislav Duszko-Erlich? Il y a plusieurs études récentes, mais encore une fois, c'est tout début, qui ont décrit des perturbations de microbes dans une maladie aussi grave que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est assez intéressant parce qu'une des manifestations, c'est aussi la constipation, des problèmes des mouvements intestinaux. Donc cette communauté qui se trouve là est altérée. Quels sont les liens précis entre cette altération des microbiotes dans la maladie de Parkinson et sa progression, son développement? Ce n'est pas encore connu. Mais il y a des études très intéressantes, très intrigantes, où les laxatifs améliorent certains des aspects de la maladie que font les laxatifs. Eh bien, ils dégagent cette masse microbienne. Ça change. Malheureusement, ça se reconstitue à l'identique. Donc, voilà, maladie de Parkinson comme un des exemples. On parle de l'autisme aussi. Mm-hmm. Encore une fois, c'est tout début. Et ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que nos instruments pour caractériser les microbiotes sont très élaborés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent les manier encore avec autant de contrôle, autant de rigueur, et donc il devient un peu difficile aussi parfois de comparer les études effectuées dans les différentes contrées de ce monde. Donc, ça progresse, mais en effet, les perturbations des microbiotes sont associées parfois à des maladies neurodégénératives. Et vous venez de le dire, on évoque effectivement la piste d'un trouble du microbiote pour les maladies, pour les troubles autistiques. Et j'ai lu également Mathias Chamaillard qu'on avait fait quelques expériences, notamment chez la souris, qui prouve également un lien entre le microbiote et l'anxiété ou certains troubles dépressifs. Effectivement, oui. On le voit en fait par des traitements antibiotiques sur des animaux où l'utilisation de... On a l'avantage de pouvoir désormais élever des animaux en conditions stériles. Et donc ça nous permet de recoloniser à façon ces animaux et d'appréhender les fonctions des différentes bactéries individuellement. Mais l'utilisation d'antibiotiques dans des modèles en fait précliniques chez l'animal perturbe des fonctions cognitives. Donc derrière, il y a tout à... C'est pionnier dans le domaine pour maintenant comprendre, faire la relation entre les perturbations de la flore intestinale qui peuvent être observées chez les patients autistes et le lien de causalité. Tous les travaux actuellement dans le domaine cherchent à identifier ce lien de causalité. Au-delà de la corrélation, est-ce qu'il y a bien un lien de cause à effet ? Et il faut expliquer aussi ici et maintenant dans les dernières minutes qui nous restent que on peut travailler et alors que c'est étonnamment historiquement finalement une technique qui a été employée depuis très très très longtemps. J'ai vu que en Chine au 4e siècle on faisait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des greffes fécales, c'est-à-dire que quand le microbiote dysfonctionne, qu'on tombe dans des états de dysbiose, c'est-à-dire quand la symbiose ne fonctionne plus, eh bien on peut transplanter un autre microbiote chez un patient et donc rétablir un microbiote par ce type de greffes qui sont extrêmement simples finalement, mais pas du tout invasives. On connaît bien encore ces mécanismes, Stanislav Duchko-Erlich, de greffe fécale pour rétablir un microbiote dysfonctionnel? Absolument. Dans une infection très grave par Clostridium difficile, la transplantation des microbiotes a une efficacité sidérante, 90% de guérison. Donc ça marche très très bien. Maintenant, ça c'est une altération extrêmement grave. L'intestin devient désertique, envahi par une bactérie, donc on peut contrecarrer ça beaucoup, beaucoup mieux, bien mieux que les antibiotiques. Aucun doute. Où nous n'avons pas encore le recul, c'est qui seraient les bons donneurs, les meilleurs donneurs pour en recevoir. Nous ne savons pas. Vous savez, c'est comme les premières transplantations qui ont été essayées. Ça marchait parfois, ça marchait moins bien dans d'autres cas. Nous ne comprenons pas encore toutes les règles. Donc, c'est un grand enjeu. Mais quand même, il y a cette possibilité de transplantation d'organes. Maintenant, s'il y a une perturbation quelque part, mais franchement, si vous avez mal au foie, votre médecin, ce n'est pas le premier geste de vous transplanter le foie. Non. D'accord? Donc, il y a un tas d'autres choses qu'on peut envisager. Une première façon de moduler le microbiote, si on arrive à détecter ces perturbations assez précocement, c'est plutôt par alimentation, par les recommandations nutritionnelles. Et nous avons montrer l'efficacité de ce genre de choses. Puis, il y a des molécules de type prébiotique, les fibres, qui peuvent favoriser certains composants des microbiotes qui sont plus positives, et d'autres, donc, des inhibiteurs pour réduire un peu la quantité d'autres bactéries qui pourraient, s'ils sont trop nombreuses, affecter négativement notre santé. Puis, des interventions par les probiotiques, par les vivants, ou par les communautés un peu plus complexes, pas juste les probiotiques lambda, mais association de plusieurs souches. Nous avons révélé une petite dizaine de bactéries qui manquaient chez les gens qui prenaient un poids excessif depuis 10 ans. Ciel, d'accord? Plutôt que de transplanter tout l'organe, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'essayer d'y installer les choses qui manquent? Parce qu'il faut préciser, Stanislav Duszko-Erlich, qu'on sait que le microbiote chez les personnes obèses n'est pas le même que chez les personnes qui ne le sont pas. Et il y a d'ailleurs un auditeur qui nous signale à l'instant qu'il y a eu des essais de transplantation de microbiote sur des patients anorexiques qui ont donné des résultats surprenants. Bien entendu, encore une fois, gardez quand même dans l'esprit que transplantation, c'est quelque chose, c'est pas le premier geste. Il y a autre chose qu'on pourrait envisager. Essayer avant. Absolument. On parlait de microbiote buccal. Dans une maladie grave, telle que la cirrhose des foies, il y a un envahissement de l'intestin par les bactéries de la bouche qui, elles, produisent des substances toxiques. Bien, il y a une complication grave de la cirrhose, encéphalopathie hépatique, s'appelle, les gens tombent dans le coma. Que fait le médecin? Il traite par les laxatifs, par les antibiotiques ou par les enémas. Les trois traitements ciblent les microbiotes, mais nous avons caractérisé ces microbiotes, nous avons trouvé qu'il est toxique. Donc, comme disait Mathias très justement, on est au-delà de juste association, nous voyons qu'il y a une toxicité, il faut faire quelque chose. Donc, en effet, là, ça pourrait être un cas, les microbiotes tellement dégradés qu'il faut faire la transplantation. J'ai vu une première publication en cas de quelqu'un qu'on a traité par la transplantation microbiote et qui se portait très bien jusqu'à ce qu'on arrête. Et après, il a rechuté. Donc, il faut protéger ces microbiotes et les moduler. Mathias Chamaillard, on a parlé donc de ces maladies de liées, par exemple, notamment aux troubles des comportements alimentaires. Vous, votre équipe s'est-elle à montrer des liens, on en a parlé un mot, j'aimerais que vous nous l'expliquiez, entre le microbiote et le système immunitaire, notamment avec autour de la maladie de Crohn, qui est une maladie aujourd'hui incurable, et il y aurait quelques pistes, justement, en agissant sur le microbiote. Donc oui, ce qu'on a pu montrer, c'est que il y a une cause génétique pour ces pathologies, mais elle n'explique pas tout. Il y a vraiment, c'est une maladie complexe avec un rôle de l'environnement, et dans cet environnement, des perturbations au niveau de la composition même du microbiote, qui va se traduire au final par un appauvrissement pour certains métabolites, comme le tryptophane ou comme d'autres métabolites dérivés des bactéries, se trouve en fait conférer un risque à cette pathologie. Donc ça, nous avons pu le montrer dans des études précliniques chez l'animal et également des études de transplantation de microbiote humain dans des modèles animaux permettent de récapituler qu'effectivement les perturbations des patients peuvent être un facteur de risque pour cette pathologie. Donc tout l'enjeu maintenant est de pouvoir contrecarrer cet effet ou plus dit autrement de restaurer une richesse du microbiote de ces patients pour qu'ils retrouvent les fonctions qu'ils ont perdues. Et quant au lien plus spécifique entre le microbiote et le système immunitaire, tout à l'heure Stanislav Duszko-Erlich nous expliquait comment effectivement au début, au stade du nouveau-né ou du nourrisson, comment le système immunitaire interagissait avec le microbiote pour reconnaître ce qui est du soi, ce qui n'est pas du soi. Or, le microbiote n'est a priori pas du soi avant de le devenir. Est-ce qu'on commence à comprendre ces mécanismes, Mathias Chamaillard? Non. Non, ça va être un peu. Non, c'est vraiment des études pionnières de ces phénomènes, et donc il y a l'obligation en fait pour le coup pour nous chercheurs, c'est vraiment pour le coup un sacerdoce de pouvoir en fait de comprendre la fonction de ces différentes bactéries, et donc nous avons recours à des artifices quelque part, hein. C'est des modèles précliniques avec des souris qui sont colonisées avec uniquement avec certaines bactéries pour bien comprendre leur fonction. Derrière, tout l'impact qu'elles ont sur notre physiologie. Pour conclure en un mot, est-ce que il faudrait faire 5 émissions sur le microbiote, parce qu'on voit bien qu'on a même en une heure pas vraiment eu le temps de faire le tour, mais on y reviendra. Je vais vous donner le mot de la fin, Stanislas Duszko-Erlich. Est-ce que vous pensez que on entend bien, hein, qu'on est vraiment au tout début de cette exploration, de la découverte de ce continent microbiotique, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce que c'est le premier pas que l'on fait vers une médecine du futur, comme on l'entendait tout à l'heure, vers une médecine qui serait absolument personnalisé en fonction du microbiote de chacun? Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et on a parlé lors de l'émission, dans ces dernières minutes, de guérir mieux les maladies, de les guérir quand on ne savait pas les faire. Mais ce qui serait encore plus impactant, ça serait de prévenir, de garder les gens en bonne santé et non seulement les guérir quand ils tombent malades. Il y a 2 éléments dans ça. Reconnaître les risques et traiter les risques. Nous avons établi qu'une perte de la richesse des microbiotes intestinaux chez les gens comme vous et moi qui n'ont pas encore de symptômes cliniques est un facteur de risque de développer le diabète de type 2, de développer les problèmes hépatiques cardiovasculaires. Et nous savons maintenant, quand même, nous commençons à savoir comment restaurer, récupérer la richesse. Donc, on commence à avoir la possibilité de repérer les risques et la possibilité de réduire ces risques. Diabète de type 2. 4 à 5% de la population en France en souffre. Le coût pour la sécu, 12 milliards d'euros par an. Que de souffrance. Si on pourrait retarder rien que d'un an, 2 ans, 3 ans, l'évolution de cette maladie, mais qu'est-ce que ça serait bien? Comment faire? Comment introduire microbiote dans la santé publique? Nous avons pu bénéficier des programmes d'investissement d'avenir pour créer un projet Métagénopolis qui met à la disposition des communautés médicales, académiques, industrielles cette méthodologie très à la pointe pour que, en effet, nous puissions progresser dans cette voie-là, garder les gens en bonne santé et pas seulement les guérir. Eh bien, c'est un bel objectif. Merci à vous deux, Stanislas Duszko-Erlich. Merci beaucoup à Mathias Chamaillard et aux collègues de France Bleu Nord à Lille qui ont rendu ce duplex possible. Voilà, et merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran et Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique c'était Élise Leu et au droit d'auteur Thomas Bizot.